Pourquoi lui, je suis mieux, je t'en prie. Je suis mieux, je t'en supplie. Je suis plus petit, je suis plus gros, je suis plus vieux. Je suis mieux, je t'en supplie. Je vais faire semblant de me pendre, de me brûler jusqu'au sang. Pas lui quand même, il est tout blême. Il parle sans rien dire, de sa bouche ne sort que des soupirs. Il me donne envie de dormir. Il me donne envie de mourir avec cette tronche qu'il tire. Un deuil qui ne va jamais finir. Il sanglote dans ses murmures. Il pleure des mots qu'il susurre. C'est un supplice de l'écouter. C'est lui que tu continues d'embrasser. Tu l'embrasses pour qu'il se taise, que tu puisses sourire à ton aise, avant qu'il vienne foutre des malaises sur ta joie. L'éternité pour survivre à ces onomatopées. Quand il s'occupe à te baiser, alors que tu croyais pouvoir t'échapper. Tu penses vivre l'éternité, juste une minute est passée. C'est la première fois tu penses à te suicider. C'est la première fois tu veux te suicider. C'est la première fois tu commences à te suicider. Je suis mieux, je t'en prie. Je suis mieux, je t'en prie.